Nouvelle de la campagne de 200 jours en Corée. Pendant 50 jours, le complexe houiller du district de Pukchang a augmenté une dizaine de milliers de tonnes de charbon en sus du plan, alors que la mine houillère de la jeunesse de Sochang, près le complexe houiller du district de Dokchon, a accru d'1,2 fois la production par rapport à la même période de l'année passée. Par ailleurs, au chantier de construction de l'avenue Lyumyong à Pyongyang, les travaux d'armature des gratte-ciels à 49 et à 54 étages sont terminés en une centaine de jours. Le complexe thermoélectrique de Pukchang a adopté des inventions techniques de valeur, notamment l'exploitation de la graisse résistant à la chaleur, autrefois importée, pour faire un apport à la production d'électricité, tandis que la fabrique des matériaux de construction de Sinizhou a installé les nouveaux procédés de production de la peinture en résine acrylique. Le secteur de sériculture de la province du Zhejiang a produit une centaine de tonnes de cocons de verre à ce printanier de plus par rapport à l'année dernière, pour marquer un nouveau record de production.